Chapitre 4. Deux couronnes. Elle saisit de ses mains délicates les vilaines orties brûlantes et supporta volontiers la douleur pour sauver ses frères chéris. Elle écrasa ensuite chaque tige d'ortie avec ses pieds nus et en fit de la filasse verte. Dès que le soleil fut couché, les frères arrivèrent. Ils eurent grand peur en retrouvant leur sœur tout à fait muette et ils crurent d'abord que c'était un nouveau sortilège de leur belle-mère. Mais en apercevant ses mains, ils comprirent ce qu'elle faisait pour eux. Le plus jeune se mit à verser des larmes sur elle, et, partout où tombèrent ses larmes, la douleur cessa et les ampoules disparurent. Elisa passa toute la nuit à travailler, ne voulant prendre aucun repos avant d'avoir délivré ses frères. Le lendemain, pendant l'absence des cygnes, elle resta dans sa solitude. Cependant, jamais les heures n'avaient coulé si vite pour elle. Bientôt, une tunique fut achevée, elle se mit à la seconde. Au milieu de sa besogne, le son du cor se fit entendre dans les montagnes et remplit la jeune fille de terreur. Comme ce bruit se rapprochait de plus en plus avec des aboiements de chiens, elle rentra promptement dans la caverne, ramassa toutes les orties, en fit un paquet et s'assit dessus pour les cacher. Un moment après, un gros chien sortit des broussailles, puis un autre et un autre encore. Ils disparurent en aboyant et revinrent bientôt après. Au bout de quelques minutes, tous les chasseurs arrivèrent et le plus beau, qui était le roi du pays, s'approcha d'Elisa. Jamais il n'avait vu une aussi jolie fille. « Comment es-tu venue ici, charmante enfant ?» Elisa secoua la tête, car la vie de ses frères dépendait de son silence, et cacha ses mains sous son tablier pour que le roi ne découvrît pas ses souffrances. « Viens avec moi, » continua-t-il, « tu ne peux rester ici. Si tu es aussi bonne que tu es belle, je t'habillerai de soie et de velours, je mettrai une couronne d'or sur ta tête et je te donnerai mon plus riche château pour résidence. » Puis il la plaça sur son cheval. Elle pleurait et se tordait les mains, mais le roi dit « Je ne veux que ton bonheur, un jour tu m'en sauras gré. » Il partit à travers les montagnes, tenant la jeune fille devant lui, et suivi de tous les autres chasseurs. À l'approche de la nuit, on aperçut la magnifique capitale avec ses églises et ses coupoles. Le roi conduisit Elisa dans son château, où des jets d'eau s'élevaient dans de hautes salles de marbre dont les murs et les plafonds étaient couverts de peintures admirables. Mais, au lieu de regarder toutes ces magnificences, Elisa pleurait et se désolait. Cependant, les dames du château la revêtirent d'habits royaux, tressèrent des perles dans ses cheveux et couvrirent ses mains blessées de gants fins et moelleux. Elle était si admirablement belle dans cette parure que tous les courtisans s'inclinèrent devant elle jusqu'à terre et que le roi la choisit pour épouse, quoique l'archevêque secoua la tête en murmurant que cette jolie fille de la forêt n'était peut-être qu'une sorcière qui éblouissait les yeux et ensorcelait le cœur du roi. Mais le roi, sans y prendre garde, fit jouer de la musique et servir les plats les plus exquis. Les plus belles filles du pays formèrent des danses autour d'Elisa et la conduisirent par des jardins parfumés dans des salons magnifiques. Cependant, aucun sourire ne parut sur ses lèvres ou dans ses yeux. La douleur seule s'y montrait comme son éternel partage. Enfin, le roi ouvrit la porte d'une petite chambre où Elisa devait dormir. Cette pièce était ornée de précieux tapis verts qui rappelait exactement la caverne d'où elle sortait. Sur le sol se trouvait le paquet de filasse provenant des orties, et au plafond était suspendue la tunique qu'elle avait tissée. Un des chasseurs avait emporté tout cela comme des curiosités. « Tu pourras arriver ici à ton ancienne demeure, » dit le roi. « Voici le travail qui t'a occupé. Au milieu de la splendeur qui t'entourera, tu seras contente de penser quelquefois au temps passé. » En voyant les objets qu'elle avait tant à cœur de garder, Elisa sourit et le sang reparut sur ses joues. Elle pensa au salut de ses frères et baisa la main du roi, qui la pressa sur son cœur et fit annoncer leur mariage au son de toutes les cloches. La belle fille muette de la forêt était devenue la reine du pays. Il est vrai que quelques méchants propos arrivèrent jusqu'à l'oreille du roi, mais il ne les prit pas à cœur et le mariage fut célébré. L'auteur de ces propos, lui-même, fut obligé de placer la couronne sur la tête d'Elisa et il eut la méchanceté de la serrer outre mesure autour du front. Mais Elisa n'en ressentit aucune douleur, car il n'y avait pas pour elle d'autre tourment que la destinée de ses frères. Quoique sa bouche fût muette, puisqu'une seule parole leur eût coûté la vie, ses regards témoignaient une profonde affection pour le bon roi qui ne voulait que son bonheur. Tous les jours, elle l'aimait de plus en plus. Aussi, elle aurait pu se confier à lui et lui raconter ses souffrances, mais il fallait qu'elle restât muette pour mener son œuvre à bonne fin. La nuit, elle se rendait secrètement dans la petite chambre décorée comme la caverne. Elle y acheva 6 tuniques l'une après l'autre. Elle allait recommencer la 7e lorsque la filasse manqua. Elle savait bien que les orties indispensables à son travail poussaient au cimetière, mais elle était obligée de les cueillir elle-même, et comment y arriver ? Ah, qu'est-ce que la douleur de mes doigts en la comparant à celle de mon cœur ? Je me risquerai, le bon Dieu me viendra en aide. Tremblante, comme si elle allait commettre une mauvaise action, elle se glisse à la lueur de la lune dans le jardin, parcourt les longues allées, traverse les rues solitaires et arrive au cimetière. Elle y aperçoit, sur une des plus larges pierres tumulaires, un cercle d'affreuses sorcières qui déterrent les cadavres et en dévorent la chair. Elisa est obligée de passer devant elles. Les sorcières la poursuivent de leurs regards infernaux, mais la jeune fille récite sa prière, cueille les orties brûlantes et les rapporte au château. Mais un des courtisans l'avait vue. Il se persuada que la reine n'était qu'une sorcière qui avait trompé le roi et tout le peuple. Le roi eut bientôt connaissance de tout ce qui s'était passé. Deux grosses larmes roulaient sur ses joues et il eut le cœur déchiré par un doute cruel. Pendant plusieurs nuits, il feignit de dormir. Mais il voyait Elisa se lever et il la suivait tout doucement jusqu'à la petite chambre où elle entrait. L'air du roi devint chaque jour plus sombre. La pauvre reine s'en aperçut sans en deviner la cause, et ce chagrin vint encore augmenter les souffrances qu'elle éprouvait au sujet de ses frères. Ses larmes tombaient sur les velours et la pourpre comme des diamants étincelants. Cependant, elle ne perdit pas courage, poursuivit son travail, et bientôt, il ne manqua plus qu'une tunique. Il lui fallait aller une dernière fois au cimetière pour cueillir des orties. Elle songeait avec angoisse à ce voyage solitaire et aux affreuses sorcières, mais sa volonté était ferme, comme sa confiance en Dieu. Elle se mit donc en route, mais le roi et le méchant courtisan la suivirent. Ils la virent entrer dans le cimetière, et plus loin, ils aperçurent les sorcières consommant leur épouvantable sacrilège. Le roi se détourna avec horreur, en pensant que la tête qui s'était reposée sur sa poitrine appartenait à l'un de ces monstres. « Que le peuple la juge !» s'écria-t-il, et le peuple la condamna aux flammes. Arrachée aux salles splendides, la malheureuse fut conduite dans un cachot horrible où le vent sifflait à travers une fenêtre grillée. Au lieu de velours et de soie, elle n'eut pour coussin que le paquet d'orties qu'elle venait de cueillir. Les tuniques brûlantes qu'elle avait tissées durent lui servir de couverture, et cependant, il était impossible de rien lui offrir de plus agréable. Elle reprit son travail en adressant des prières au ciel. En attendant, les enfants entonnaient dans la rue des chansons injurieuses pour elle et pas une âme ne la consolait par une parole affectueuse. Soudain, vers le soir, une aile de cygne apparut près de la petite fenêtre. C'était le plus jeune des frères qui avait retrouvé sa sœur. Elisa se mit à sangloter de joie, bien que la nuit prochaine dût être pour elle la dernière. Mais son travail était presque achevé et ses frères n'étaient pas loin. On envoya près d'elle un magistrat pour qu'elle fît la confession de ses crimes. À la vue de cet homme, Elisa secoua la tête en le priant du regard et du geste de ne pas insister. Elle devait, cette dernière nuit, terminer son travail, sans quoi ses tourments et ses larmes et ses longues veillées, tout eût été perdu. Le magistrat se retira donc en proférant des menaces. Mais Elisa, forte de son innocence, continua sa tâche. Les petites souris apportèrent à ses pieds les orties pour lui venir en aide et un merle posé sur la grille de la fenêtre chanta toute la nuit pour soutenir son courage. Une heure avant le lever du soleil, les 11 frères se présentèrent à la porte du château demandant à être introduits près du roi. On leur répondit que c'était impossible. Il faisait encore nuit, le roi dormait et personne n'oserait le réveiller. Ils prièrent et menacèrent de sorte qu'on fut obligé d'appeler les gardes. À ce bruit, le roi sortit et demanda ce qu'il y avait. Mais au même instant, le soleil se montra et les 11 frères disparurent. Seulement 11 cygnes sauvages s'élevèrent au-dessus du château. La foule accourut aux portes de la ville pour voir brûler la sorcière. Un cheval décharné traînait la charrette où elle était assise, affublée d'une blouse de grosse toile. Sa longue et belle chevelure tombait autour de sa tête, ses joues étaient d'une pâleur mortelle et ses lèvres s'agitaient doucement, tandis que ses doigts tissaient toujours la filasse verte. Même sur le chemin de la mort, elle n'avait pas voulu interrompre son travail. Les 10 tuniques étaient à ses pieds, elle achevait la 11e. Cependant, la populace se moquait d'elle et l'injuriait. « Regardez donc comme elle marmotte, la sorcière. Ce n'est pas un livre de prière qu'elle tient à la main. Elle continue ses maléfices jusqu'au dernier moment. Arrachons-lui cette mauvaise étoffe pour la déchirer en 1000 morceaux. » Des mains brutales allaient saisir l'infortunée lorsque parurent les 11 cygnes blancs. Ils se placèrent autour d'elle sur la charrette et agitèrent leurs grandes ailes. La foule recula effrayée. « C'est un avertissement du ciel, elle est sans doute innocente !» dirent quelques-uns tout bas, mais personne n'osa répéter ces paroles à haute voix. En ce moment, le bourreau prit la main de la victime. Alors, elle jeta promptement les 11 tuniques sur les cygnes et, à l'instant même, ils se changèrent en 11 beaux princes. Le plus jeune avait encore une aile à la place d'un bras, une des manches de la tunique n'était pas achevée. « Je puis donc parler ?» s'écria l'heureuse sœur. « Sachez que je suis innocente !» Et le peuple, voyant ce qui se passait, s'inclina devant elle comme devant une sainte. Mais la reine, succombant à tant d'émotions, tomba évanouie dans les bras de ses frères. « Oui, elle est innocente !» dit le frère aîné, et il raconta toute la vérité. Pendant son récit, il se répandait un parfum pareil à celui de 1000 roses, car chacun des morceaux de bois qui formaient le bûcher avait pris tout d'un coup racine et se couvrait de feuilles et de fleurs. Le lieu du supplice s'était transformé en un épais bosquet de rosiers rouges, au-dessus desquels brillait une fleur blanche comme une étoile. Le roi cueillit cette fleur et la posa sur le cœur d'Elisa, qui revint à elle et qui montra sur sa figure l'expression de la paix et du bonheur. Toutes les cloches des églises se mirent en branle d'elles-mêmes. Les oiseaux accoururent en bande joyeuse, et jamais roi n'eut un cortège comme celui qui ramena au château les deux jeunes époux. Ainsi s'achève Les Cygnes Sauvages, un conte de Hans Christian Andersen.